Ce vendredi à La Vie en BD, on passe une heure avec Pascal Rabaté. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour porter un regard sur l'univers du 9e art, avec une belle rencontre d'ailleurs, puisque un peu plus tôt cette année, il y avait Pascal Rabaté qui est venu faire un tour à Québec pour une résidence estivale. Alors, il sera avec nous la majeure partie de l'émission. Avant de se lancer, peut-être deux petits clins d'œil, simplement pour dire, vous avez peut-être vu ça passer dans l'actualité, des originaux datant de 1958 ont resurgi à l'occasion de la rénovation d'un appartement de Bruxelles ayant accueilli une agence de distribution de bandes dessinées. Des ouvriers qui travaillaient sur la rénovation d'un appartement ont mis à jour donc des dessins de Franquin, Peyot et Robat, notamment cachés sous la tapisserie. Au total, 11 personnages BD en plus ou moins bon état. Alors, quand même une très, très belle découverte, évidemment, très anecdotique aussi. Et sinon, un peu plus près de nous, un nouvel éditeur de BD qui se lance. En fait, ils offraient déjà depuis quelques années la bande dessiné Bulle, série qui dont le 5e tome est prévu cet automne, mais parallèlement, d'autres titres vont venir s'ajouter à la collection. C'est une intention qui avait déjà été annoncée par l'éditeur Jean-Philippe Bergeron. Alors on annonce 3 titres pour 2016. Alors La Petite Suceuse de D. Mathieu, Le Bouddha Brisé d'S.B. et Le Fil d'Ariane d'Amélie Prévost, Stéphanie Labbé et Joe Masson. Alors voilà, nouveaux joueurs dans l'univers de l'édition de La Capitale. Alors, sans plus tarder, on se dirige vers l'entretien avec Pascal Rabaté. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur CKRL 89.1 et tel qu'annoncé, on a le plaisir d'avoir avec nous un auteur qui est de passage à Québec. Il est en résidence à l'invitation du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Il s'agit de Pascal Rabaté. Bonjour. Bonjour. Et Monsieur Rabaté, justement, en résidence ici pour quelques semaines, évidemment, au cours de l'été, donc juillet et août 2015. C'est quoi un peu les projets, les objectifs qui sont en lien avec cette résidence-là? En fait, c'était aussi d'approfondir un peu ma connaissance du, si ce n'est du pays, au moins de la ville. J'étais déjà venu en 1999 au Festival de Montréal, donc j'avais tourné un petit peu dans la ville et autour. Et Thomas Louis m'a invité, c'était il y a à peu près 4 ans. On avait gardé contact et puis il m'a parlé de cette résidence. Alors j'avais des bouquins à finir, des projets, mais en même temps, c'est vrai que j'ai fait quelques résidences dans ma vie, notamment une à Johannesburg et à Soweto, une autre en Sibérie, et à chaque fois ça aboutissait sur un livre ou sur au moins un petit bout de reportage. Donc pour l'instant je reste un peu dans le flou, je vais voir un peu ce que va me donner la ville, mais pour l'instant elle me donne déjà beaucoup de choses à voir, à entendre, et puis là j'engrange. Et j'imagine, on vient un peu en observateur d'une certaine façon, donc voir, découvrir un peu les environs, les paysages, les étendues, le côté kitsch peut-être aussi à l'américaine, les métissages finalement qu'on retrouve ici. Oui, il y a un peu de ça. C'est vrai que je vais à une fête ce week-end de démolition de voitures. C'est vrai que ça m'intéresse toujours, c'est un peu le côté décalé. En fait, je fais du cinéma par ailleurs et il y a toujours j'ai toujours une vision, enfin toute ma culture cinématographique a commencé en fait par tous les westerns, par tout le cinéma américain. Je pense à des gens comme Anthony Mann, comme Ford, donc c'était des choses sur le paysage. Et quand j'ai fait mon premier long métrage, j'avais envie de filmer la France un peu comme ces gens-là filmaient l'Amérique, c'est-à-dire avec des focales courtes et un paysage omniprésent, parce que je pense en effet que les gens sont formés par le paysage et le paysage est déformé par les gens. C'est un peu la complémentaire. Mais c'est vrai que là, je suis en observation et j'ai envie de prendre de prendre tout et puis après de faire un tri une fois que je serai à Paris. Retour dans la canicule. Et c'est vrai qu'au niveau des thématiques, par exemple, qui sont présentes dans vos albums, vous avez beaucoup, dans certains égards, BD sociales, dans le fond, sur les petites gens, sur la province aussi, sur vraiment, entre guillemets, le monde ordinaire qui peuple la France, qui peuple vos récits. Mais c'est vrai que c'est un peu le peuple en général. Moi, il n'y a pas de... Je suis issu du milieu ouvrier de par mes parents. Et du coup, c'est vrai que je renie pas du tout mes racines. Et c'est toujours un peu ce terreau. Je parle pas de racines, je parle de terreau qui reste quand même celui sur lequel j'ancre en fait ma production. Donc il y a des écarts, bien sûr. Il y a eu Thierry qui s'appelait Bicus, qui parlait d'autres choses, qui était une adaptation d'un roman russe. Mais c'était encore... La vision, c'était encore le vulgum pecus, le petit individu à travers la grande histoire. Et là aussi, c'est-à-dire, c'est le Québécois n'est pas différent du Français. Et après, c'est la rencontre avec les gens. Ouais. C'est aussi ça, quoi. Donc, il y a le côté un peu plus démesuré où j'ai un rapport d'échelle où je suis... Je suis toujours fasciné par les énormes sculptures, les lignes d'horizon qui sont si profondes. Enfin, les villes françaises sont quand même les avenues sont plus étroites et on a une ce qui influe aussi sur la façon de filmer, puisque comme on n'a pas cette profondeur de champ, on finit par resserrer un peu les cadres. Et là, du coup, je vois plus loin. Et je me rappelle, en fait, une citation, peut-être en lien un peu avec ça, vous avez dit à un moment donné en entrevue que vous étiez un peu comme un myope, en fait. Vous regardiez le grain de sable plutôt que la machine, d'une certaine manière. Oui, ça, c'est vrai que je l'avais déjà dit, moi, c'était sur Ni avant ni à louer, c'était un film sans dialogue où beaucoup de gens, notamment en France, avaient comparé le film à... avaient trouvé une filiation qui était évidente avec Tati, parce que c'est un cinéaste qui m'a beaucoup marqué et sans dire que je le vénère, je reconnais le génie de son travail. Maintenant, je me situais pas non plus dans ses empreintes. Il a des trop grands pieds et puis il avait pas les mêmes budgets, il avait pas la même vision des choses. Il avait une vision de la machine. C'est quelqu'un qui, quand on regarde Playtime, qui dénonce un peu le progrès, qui dénonce la fin de du village ou de la petite communauté pour la grande, l'absorption du petit par le gros. Et le cinéma de Tati, c'était du cinéma essentiellement du corps. C'était des gens filmés principalement de plein pied, où le visage n'était qu'un masque un peu plat, où Tati n'a pratiquement pas, Monsieur Hulot n'a pas d'expression, il a juste sa pipe qui fait... Et la pâte à modeler du visage, elle est un peu ignorée. Ce qui n'est pas le cas chez les burlesques américains, quand on pense à Keaton, on pense à Chaplin, qui est anglais, mais qui est quand même tourné pas mal ici. Et où quand on pense à un cinéaste un peu moins connu, qui s'appelle Pierre Etex et qui avait travaillé avec Tati, où là je me sentais plus dans cette filiation où justement le burlesque était au service du petit ou de l'individu, quoi. Mais d'une certaine façon, en fait, c'est l'idée que la forme doit servir le fond. Dans le fond, le propos, d'utiliser la bonne technique pour le bon propos, que ce soit en dessin, que ce soit au cinéma, dans le fond, c'est d'être au service de son récit d'abord et avant tout. Oui, du récit et puis on parlait de fond. Je cite souvent cette phrase de Hugo parce que je pense qu'elle est essentielle. On a toujours, enfin en France, on est dans l'espèce de culture du style et on a toujours opposé le style au fond. Et le fond, ou style, en disant que c'était deux parcours différents. Hugo a tout synthétisé en disant que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et je pense en effet que quand on a quelque chose à dire, il faut trouver la bonne grammaire, les bons mots, les bonnes images pour quand c'est de la peinture. L'expressionnisme allemand voulait dénoncer le totalitarisme et la crise en Allemagne. Ils avaient trouvé un dessin qui était très écorché, qui était caricatural, on peut dire, ou tout au moins grotesque. Et c'est vrai que cette forme correspondait à ce qu'ils avaient envie de faire passer. Donc c'est vrai que quand je m'attaque à un récit, que ça soit dans le film, en film ou en bande dessinée, j'essaie J'essaie de ne pas avoir de style, j'essaie d'avoir le style qui correspond le mieux en fait à ce que j'ai à dire ou ce que j'ai à dénoncer. Je dénonce assez peu, je pense que je fais plus mon expression est plus dans le constat et dans le petit rat qui se débat dans le pot à lait pour transformer la crème en du beurre, quoi. Et justement, en termes de... On parlait du fond et de la forme. Je pense qu'un bon exemple de ça, ce serait justement Ibicus, dont on faisait mention tantôt. Dans la mesure où vous avez choisi d'y aller, c'est... Bon, pour ceux qui connaissent pas, le bouquin, c'est quand même 4 tomes, 500 pages. Et vous y êtes allé en adaptation graphique de ce roman d'Alexis Tolstoï, « Au la vie ». Sans le moindre trait. Et l'idée, c'était justement de ce que j'en avais compris, de partir un peu de l'esprit de ce récit-là, de la nature profonde de ce récit-là, et trouver une manière de la transposer au dessin. En entrevue, vous aviez dit que c'était pour représenter justement la disparition d'un monde évanescent. Vous aviez préconisé un peu cette approche-là. Oui, puis je voulais avoir une approche qui soit que lumière. Donc il y a eu des heureux hasards, parce que c'est vrai que mon personnage, je venais juste de lire le livre de Scott McCloud sur la bande dessinée qui faisait un magnifique ouvrage qui décrypte un petit peu ce langage et qui parlait notamment du personnage de Tintin qui était pensé un peu comme un masque vide où l'enfant pouvait justement par le fait qu'il n'y ait aucune expressivité ou juste le minimum, on pouvait s'identifier. Et cette question s'est posée quand j'ai lu le roman et que j'ai voulu décider de l'adapter, c'est que j'avais pas spécialement envie, parce que ça c'est un petit peu un problème global, on fait maintenant des films où on pousse le spectateur à s'identifier au personnage, et c'est presque une dictature au cinéma, en tout cas en bande dessinée moins, mais au cinéma c'est l'empathie, le mot à Paris c'est empathie, c'est un mot qui n'existait pas il y a 25 ans et il n'a jamais été autant utilisé depuis ces 10 dernières années. Et quand j'ai attaqué cette adaptation, j'avais justement envie que le lecteur ne s'identifie pas à ce personnage, mais le regarde ce personnage qui est mine de rien un petit salopard de coin de la rue, qui n'est pas vraiment meurtrier. Il achève quelqu'un, mais il n'a pas vraiment de sang sur les mains. C'est quelqu'un qui essaie de survivre. Mais je voulais maintenir cette distance entre le lecteur et le personnage principal. Et du coup, j'en ai fait une sorte de marionnette. De personnages très effilés qui ne ressemblent à personne. S'il y avait un personnage qui pouvait leur ressembler, il ferait au moins 2m10 et 45 kilos. Et en fait, je l'ai fait comme une marionnette, la marionnette de l'auteur, qui est à la fois Alexis Tolstoï et qui est moi. Et quelques années après, je me suis aperçu, enfin, le traducteur du roman me l'a dit, que Alexis Tolstoï était connu surtout en Russie et en URSS pour son adaptation de Pinocchio, donc qui signe le nom là-bas c'est Burakino, et en fait il a réécrit les histoires de Collodi mais à sa sauce, et en fait ce Pinocchio est plus connu là-bas que le Pinocchio de Collodi qui est à l'origine. Mais c'est vrai que ce récit, il fallait que je trouve une écriture, et je voulais quelque chose qui soit à la fois brutal dans la lumière, et que les choses flottent, qu'il y ait cette espèce d'évanescence. Et, parce que ça reste un récit sur la survie, nous sommes toutes... Oui. C'est que ça. La vraie question de ce récit, c'est quand on tombe, est-ce qu'il faut se relever ? Ce personnage-là est presque immortel. Il tombe de plus en plus bas pour finir par se relever. Alors après, il se débat avec les moyens qu'il a, mais je pense qu'on serait tous dans des situations pareilles à côtoyer l'ignoble, ou tout au moins à le laisser faire, quoi. Et donc c'était la survie, qui est un thème qui est un peu récurrent, qui est plus ou moins le même thème décliné sur tous mes bouquins, quoi. Ça c'est un peu sûr, sauf que là en effet on est sur une période de guerre, on est sur une guerre qui était une guerre civile, donc le frère tue le frère, le père tue la mère, enfin on est sur quelque chose d'assez terrifiant, il y a eu une famine en plus, enfin on est dans un espèce de contexte assez effroyable, et c'est vrai que là j'étais, je me permettais avec Alexis Tolstoï d'aller fouiller un peu dans, dans la vase, et dans peut-être la vase de mon cerveau aussi. Quoi. Et de ce que j'en ai compris, vous pourrez me corriger ou affirmer que c'est le cas, mais ce livre-là aussi, si on fait la petite histoire d'Ibicus, c'est arrivé un peu au hasard, évidemment, à la découverte du livre d'Alexis Tolstoï, mais arrivé aussi à un moment charnière où, après quelques albums déjà en 92-98, vous vous étiez demandé très sincèrement, est-ce que je poursuis la BD ou est-ce que je deviens professeur? Finalement, on trouve le roman et... Il y a une suite d'événements qui vous a amené à poursuivre dans cette voie-là, finalement? Oh, c'était une suite de hasard. En fait, c'était pas moi qui décidais d'arrêter la BD, c'était plutôt les éditeurs. En fait, il y avait quelque chose qui était de l'ordre du faute de combattant, qui était plus de cet ordre de décision. Et j'avais encore des éditeurs qui étaient prêts à me publier, mais les conditions étaient de plus en plus drastiques, de plus en plus difficiles. Et puis, on avait tendance à... Voilà, me canaliser un peu. Je suis pas arrivé à la bande dessinée très très tôt. J'ai fait mon premier livre à 29 ans, ce qui est jeune, mais ce qui est pas non plus 28 ans. 27. Je suis en train de remonter le temps. Mais ce que je veux dire, il y a des gens comme Prudhomme avec qui je travaille qui ont démarré à 19 ans. Enfin, il y en a plein qui ont démarré très très tôt. Moi, j'ai fait plein de petits boulots pendant les Beaux-Arts et juste après, enfin jusqu'à 27 ans, jusqu'à même 28, parce que il y a eu plein de petits livres. Il y a eu des livres qui ont été faits chez des tout petits éditeurs, donc avec aucun droit d'auteur. Très très peu, et donc j'ai continué à en faire en parallèle, et puis je suis rentré dans une grosse boîte qui était Vendouès, qui était absorbée à l'époque par Glénat. J'ai commencé une série qui a été un peu reconnue par la critique, quelques médailles, enfin je veux dire des prix, mais les choses ne prenaient pas, la sauce prenait difficilement. On était sur j'intéressais je veux dire 3000 personnes à tout casser en France. Et du coup, on a commencé à me couper un peu, non pas les vives, mais au moins sur mes ouvrages, à me demander de travailler en noir et blanc. Ça coûtait moins cher. Ce qui, en l'occurrence, était plutôt une bonne nouvelle pour moi, parce que j'ai la couleur, à l'époque, je la sous-traitais. J'avais du mal à gérer ça. C'était une partie qui de toute manière, continue à me poser des soucis. Je réussis pas à morceler mon travail. Il faut que tout vienne d'un coup. Ou si je deviens l'exécutant ou le coloriste de mon travail, il y a quelque chose qui finit par me lasser, quoi. Mmh. C'est comme si on refaisait le récit plusieurs fois. Oui, il y a une espèce de multicouche qui finit par... j'ai passé plus de temps, par exemple, sur un bouquin qui s'appelait Harry et Fou, qui était un livre chez Gallimard Jeunesse, à faire la couleur qu'à faire le dessin. Donc là, je me suis dit, il y a un souci. Non seulement je prends pas de plaisir, mais en plus de ça, je m'enlise, quoi. Mais surtout qu'en fait, j'ai l'impression, quand on regarde un peu ce que vous faites, autant au cinéma, autant qu'en BD, il y a vraiment un désir constant d'exploration, un désir constant de déséquilibre, dans le fond, d'être toujours en recherche d'un équilibre, plutôt que de trouver le confort d'un équilibre qu'on connaît déjà, dans une certaine mesure. Disons que je suis en recherche de d'avancer. Donc le fait de marcher, le fait d'avancer, ce n'est que du déséquilibre. Si on ne pose pas le pied, c'est un peu ce que j'essayais de faire aussi dans Ibicus, c'est que mon personnage toujours prêt à se casser et qu'il était toujours en déséquilibre. Il y a des dessinateurs qui me disaient mais il est jamais. Mais je dis non, parce que c'est pour lui, s'il s'arrête, il meurt. Donc il faut qu'il y ait aussi dans le dessin cette notion de déséquilibre. Et cette notion de déséquilibre, je l'ai aussi en moi, c'est-à-dire que j'ai une peur. Panique de radoter, de me répéter, et en effet je suis dans la recherche. Je pense qu'il y a deux grandes familles dans la création. Il y a la famille qui fait son sillon. On peut penser à des gens comme Matisse qui ont démarré chez les fauves et puis qui ont fini par une épure magnifique avec ses danseuses, enfin tout le travail qu'il a fait en dessin sur les feuilles. Et puis il y a son contemporain qui était Picasso, qui faisait des trous un peu partout et qui était ce que j'appelle l'artiste kangourou. Et moi sans comparer me comparer à Picasso, mettons les choses claires, mais c'est vrai que dans ma recherche, je me sens prêt de ce genre de démarche. Il faut que je bondisse, il faut que je il faut pas que je m'installe. Mm-hmm. Et on l'a vu, je pense, aux Beaux-Arts, vous avez fait de la gravure, vous avez fait de la peinture, il y a la vidéo qui est restée une constante, je pense, dans à peu près toute votre carrière, le dessin, la bande dessinée. Dans la bande dessinée, c'est une variété, justement, de styles, d'approches, de techniques, que ce soit au niveau visuel, que ce soit au niveau narratif, mais effectivement, c'est toujours... En fait, en trouvant le récit, j'imagine, c'est un peu comme on disait tantôt, en partant du récit, en partant du fond, ben, ça vous force à trouver une manière de l'amener qui va... Oui. Puis de me chercher aussi, c'est-à-dire que j'apprends tous les jours. J'apprends sur l'orthographe, parce que je suis dyslexique. Mais j'apprends sur le dernier projet, là j'ai encore appris des choses, enfin des choses qui s'affinent d'un côté, puis où la falaise s'écroule d'un autre bout, mais il faut que j'avance, en fait. Et c'est drôle parce que il y a ça quelques semaines, ma compagne me lisait un article sur une cellule qui avait été trouvée, qui était une cellule qui vivait en fait en mer, qui se déplaçait, qui cherchait en fait un terrain propice à manger et à vivre tout court, et le jour où elle avait trouvé cette installation, elle se débarrassait de son cerveau. et mine de rien, cette image ou cette cellule, je pense que c'est ma peur. C'est de perdre, en fait, le jour où je vais avoir l'impression d'avoir trouvé, de me dessécher ou de prendre racine, quoi. L'homme n'a pas de racines, comme dirait Salman Rushdie, il a des jambes, et j'ai envie d'avancer, de partir un peu partout, de surtout pas m'installer, en fait. Et en même temps, de se laisser influencer de manière métissée aussi. On parlait des arts visuels tantôt, d'artistes qui, par leur démarche, par leur approche, par leur réflexion, sont venus vous influencer. Évidemment, le parcours aux Beaux-Arts, j'imagine qu'il a dû être très riche là-dessus. Au niveau cinématographique aussi, on peut faire beaucoup de parallèles, et on s'en donnera le droit de le faire aussi. Mais dans le fond, on parlait d'observation au début. Il y a ça aussi, dans le fond... Vous êtes très perméable, d'une certaine façon. Ah oui, je suis très perméable. J'espère continuer à l'être, parce que on peut à un moment justement fermer un peu les écoutilles, mais j'ai la chance d'avoir deux filles qui sont une à se lancer dans le cinéma, l'autre dans les arts plastiques, et du coup ça me force aussi, moi, à m'informer. Ma compagne est danseuse, donc je réussis à essayer de piocher un peu partout. Je picore plus que je ne pioche, mais c'est vrai qu'il faut, je suis gourmand dans tous les sens du terme, mais c'est vrai qu'en termes de culture, je demande qu'à découvrir, parce que tout peut m'aider à non pas consolider, mais à étayer un bout et à faire mon petit pont qui va passer d'une falaise à une autre. Et un exemple que je trouvais assez sympathique, Pascal Rabaté, de ce métissage-là, c'est peut-être justement Fenêtre sur rue. Bon, pour le contexte, on parle de 20 tableaux, 10 de jour, 10 de nuit, un décor unique. Et en fait, côté cinéma, au fil des commentaires, je trouvais des références à Tati, à Maigret, à Hopper, évidemment à Hitchcock. Il y avait aussi un esprit hommage, peut-être un côté théâtral dans la mise en scène de cette BD-là, qui est... Ah, la chose est que je voulais faire un hommage au cinéma. Je sortais juste d'un film qui s'appelait Niavant Nialoué, qui était un pari pour le producteur, qui n'était pas pour moi, parce que je considérais un peu tout mon travail, enfin les livres comme les bandes dessinées, j'essaie de les concevoir comme si ça pouvait être le dernier. Et donc ce film-là a été monté en quelques mois, donc c'est même un record. Ça a dû être monté en 4 mois. J'ai travaillé jour et nuit pour faire le scénario en un mois. Il y avait bien sûr tout un tas d'idées qui passaient. Maintenant, il fallait que je remette tout en place. Je venais de sortir de la fin du tournage des Petits Ruisseaux, et là le producteur me dit: t'as quelque chose dans les cartons? J'ai dit oui, et donc du coup j'ai travaillé jour et nuit. Je lui ponce ce truc qui était une vieille idée derrière la tête, de faire un hommage au burlesque. Et j'ai donc fait ce film sur l'état du couple, avec plein de petites vignettes de personnages qui se croisent. En fait, les deux sont vraiment en prolongement sur la thématique du couple. Voilà, c'était un peu ça, c'est-à-dire que le film était muet, donc j'avais envie de continuer un peu sur ce discours. J'avais parlé sur un week-end, et puis là, je me suis dit, il faut ouvrir encore plus fermer le champ. mais pas le fermer, ouvrir le hors-champ en fermant le nombre d'informations. Oui, parce que Fenêtre sur rue, c'est une narration par hors-champ. Les ellipses sont presque plus importantes que l'action elle-même. Voilà, et donc, je pense en bande dessinée que la force de ces petits espaces inter-iconiques, les petits blancs qu'il y a entre deux dessins, qui poussent aussi le spectateur à imaginer ou à reconstituer le mouvement. C'est pas de l'interactif, mais je pense qu'une œuvre créatrice doit être plus une question qu'une réponse. Et dans le meilleur des cas, le spectateur va trouver ses propres réponses aux questions qu'auront été posées, quoi. Mais le Fenêtre sur rue, en effet, était un prolongement de mon interrogation sur le couple, où en effet il y a plein de couples à divers états de la vie qui se croisent, qui s'interrogent sur le bien fondé de continuer une relation. Et puis il y a ce petit crime qui était le vrai hommage en fait à Fenêtre sur cour de Hitchcock, Rear the Window en anglais. Et je voulais un peu mêler ça, donc en effet il y a un petit Hitchcock qui se balade, qui rencontre Tati, parce que je sortais justement du film, et puis qu'il y avait ce côté un peu justement attitude un peu forcée, je suis dans un dessin réaliste, enfin une peinture, parce que là en l'occurrence c'était de la peinture, enfin j'avais envie d'englober un peu comme je me couper la parole. J'avais envie de l'enrichir en fait de toutes mes influences et notamment de Hopper, de Maigret, enfin de Siménon, parce que c'est une des lectures, c'est un auteur que j'ai beaucoup lu. Je continue à lire de temps en temps quand j'ai plus rien. Et du coup, je me suis dit, je vais tout mélanger là-dedans, je vais faire ça en peinture, je vais essayer de travailler en lumière, sans revenir à Hibiscus, parce que justement, et de faire des tableaux. Et puis à la fin, je me disais, je vais faire un hommage au cinéma. Et à la fin du livre, je me suis dit, ben non, j'ai fait un hommage au théâtre. Et du coup, les images qui n'étaient pas prévues, c'était les rideaux qui se fermaient. Et comme on dit souvent, en fait, les meilleurs moments viennent souvent de l'accident ou de l'imprévu aussi, qu'il faut laisser la place à l'accident. Ouais, ouais. Mais moi, j'aime assez qu'une œuvre m'emmène à un endroit qui n'était pas prévu. C'est un train qui vous lâche dans une gare et vous aviez prévu d'aller plus loin ou plus près. Mais l'aventure de la création, elle est là. C'est un enfant qui vous échappe et c'est cette échappée qui est belle, quoi. Donc, une phrase m'a hanté. Avant de faire mon premier long métrage, j'avais rencontré un réalisateur qui travaillait à Canal+, qui s'appelait Martin. Et on s'était rencontrés lors d'un festival de Groland, parce que j'étais ami avec deux des réalisateurs. Et je savais qu'il venait de faire ce film. Et je lui dis, alors t'es content? Il me dit, écoute, le film, c'est 60% de ce qu'on espérait. Et là, moi, je lui dis, mais c'est une catastrophe. Il me dit, non, mais il dit 60%, c'est énorme. Il dit non, on est content, quoi. Et quand on a donné le premier coup de manivelle, j'arrêtais pas de parler avec la première assistante en lui parlant de ce truc qui me hantait, en lui disant mais c'est 60%, comment il fout ses pourcentages, comment ça se passe, comment ça se goupille. Et puis le jour où le film a été fini de monter, elle m'a dit, alors c'est à combien de pourcents? Et j'ai dit, écoute, je suis à 200. Elle me dit, t'es à 200% de tes rêves? J'ai dit, oui, je suis à 200% de mes rêves parce que le film existe. Et je ne suis pas arrivé, en effet, à ce que je voulais. Je suis arrivé ailleurs parce que j'ai laissé, en fait, j'ai laissé les cloisons de mon cinéma poreuses et j'ai laissé rentrer les autres. Et donc, le premier était comme ça, le deuxième et le troisième aussi, avec des fois des contraintes. Mais la création, c'est aussi s'adapter aux matériaux, c'est s'adapter aux gens. Le cinéma, c'est des cadres, mais c'est aussi du vivant qui vont vous amener leur expérience, leur sensibilité, et puis qui vous emmènent sur des territoires qui sont tantôt le sensible, tantôt le froid, tantôt le chaud. Et c'est comment on va jongler avec ça et comment on va gérer cette petite entreprise, quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment, ça reste deux mondes, deux univers narratifs, et vous aviez décrit à un moment donné la comparaison entre l'un et l'autre en parlant de la bande dessinée comme une lecture horizontale, qui reste aussi, on peut faire des allers-retours dans l'histoire, tandis qu'au cinéma, ben, finalement, c'est des images qui s'effacent les unes des autres mm-hmm. et qui forment une partition, une lecture à l'horizontale. Donc, la BD, c'est de la littérature, puis que le cinéma, ben, c'est un peu de la musique, d'une certaine manière. Oui, je pense que... De plus en plus, je pense ça, parce que c'est vrai que le premier film, j'avais une bande dessinée qui existait en amont, qui était Les Petits Ruisseaux. Et quand on s'est attaqué à l'adaptation, les gens m'ont dit, tu n'auras pas besoin de faire de storyboard, on a déjà plus ou moins les cadres. Alors il y avait des choses qui se retrouvaient, il y avait des cadres un peu, j'ai toujours été un peu fasciné par les compositions un peu étranges, des sorties de cadres, enfin un rapport assez frontal avec les paysages, et puis essayer de jouer avec justement le petit et le grand, ce que je disais sur les États-Unis ou sur ces vastes étendues de paysages, votre ligne d'horizon à perte de vue, donc j'essayais de la reconstituer un peu à ma façon. Du côté de la Loire, mais le premier film est resté un peu dans des cordeaux, et là, même si j'avais fait deux courts-métrages, un moyen-métrage et puis un reportage, c'était quand même un gros barnum, c'était un gros chantier, et là je me suis pas vraiment interrogé, il fallait faire le film, on a des impératifs de temps, on a un temps très réduit pour faire une heure et demie de film au final, et du coup j'ai avancé en essayant de me confronter avec les autres, avec les acteurs, avec des caractères qui sont plus ou moins souples, avec des gens qui sont plus ou moins qui ont plus ou moins votre vision et plus ou moins pas. Donc on est en train de faire cette espèce de marmite, et en l'occurrence ce plat a plutôt bien pris avec les acteurs au final, et donc on a avancé, on a monté le film. C'était une histoire filmée de façon assez classique, c'était mon première chose, donc je me laissais un peu pas guider, mais je m'étais laissé guider en fait par le verbe, mmh. par les dialogues. Et puis quand j'ai attaqué le deuxième, je me suis dit, mais je veux plus faire d'adaptation BD, je veux faire un film qui n'existe que sur pellicule, et faire vraiment un truc qui ne soit adaptable en aucun autre moyen d'expression. En fait, ça nous renvoie au fond, dans le fond. C'est le récit devait être cinématographique. Voilà. Pour justifier son existence. Voilà, c'est exactement ça. Et du coup, on a eu un tournage qui était aussi court, mais avec une envie de fabriquer au jour le jour. Donc j'avais des idées tous les jours, je dormais 3 heures par nuit, puis on travaillait avec la déco, avec le chef opérateur, pour trouver des idées de plus en plus farfelues, si on peut dire, pour essayer de justement nourrir un peu le bébé. Et au bout de 6 semaines de tournage, on avait tout le matériel, toute l'équipe, les acteurs, tout le monde, on était fiers de ce qu'on avait fait. Moi, j'étais fier de ce film en me disant qu'il était supérieur au premier, qu'il y avait une ambition cinématographique, qu'il y avait des choses qui me semblaient neuves chez moi aussi, enfin, qu'il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup plus nourri. Et puis, fort de ce travail-là, on a embrayé directement sur le montage. Et au bout de 3 semaines, on avait un premier bout à bout, c'est-à-dire le film faisait une heure et demie, 1h35, mmh. 36, il fait au final 1h17. Et on était tellement contents de notre ovni qu'on a voulu le montrer en fait à plein de gens. Et notamment, le producteur a voulu le montrer à d'autres collègues. Collègues, et on a ouvert un peu la séance à une quarantaine de personnes, et là ça a été une chape de plomb qui m'est tombée sur la tête, c'est à dire que avant qu'on rallume les lumières, je ne mens pas, je pense peut-être un tout petit peu le trait par moment, mais là pas du tout, c'est à dire qu'on a rallumé la salle et il y en avait 10 qui étaient déjà près de la porte en train de se tirer pour ne pas avoir à en parler, quoi. Et les gens passaient en disant bonne chance, ouf. Enfin bon, une catastrophe un peu industrielle. Le monteur, on devait travailler l'après-midi, il est rentré chez lui, il était se coucher. Le producteur, il a été faire ses comptes en disant qu'on passait tout ce travail allait passer en perte et profit. Et moi, j'étais dans une colère, mais assez énorme, où je décolérais pas en me disant que je ne comprenais pas ce qui n'avait pas pris, ce qui ne marchait pas. Et on est retourné le lendemain à l'usine, en essayant de prendre à bras le corps ce film, en se disant mais qu'est-ce qui se passe quoi. Et puis on a remonté, on a rebidouillé les choses, on a coupé, on a fini par couper 15 ou 16 minutes. Et à un moment, on a posé les curseurs, on a éteint les potards et les boutons, et on a dit ben voilà, le film est fini. Et on l'a remontré. Et là, la sauce a pris. Et là, on s'est dit. Et c'est là que j'ai compris. Et je me suis dit, mais c'est comme un morceau de musique. Si on n'a pas le bon tempo, on perd tout le monde. Et c'est la vraie différence entre les deux supports. C'est-à-dire que une digression graphique dans un album va pas forcément ennuyer le lecteur. Le lecteur va passer dessus à la vitesse où il va vouloir. S'il veut s'arrêter, il s'arrête. S'il veut continuer, il continue. C'est comme un roman. On a cette lecture un peu horizontale et très distendue. C'est un élastique très très souple qui fait que c'est le lecteur qui va tirer ou qui va le relâcher. Au cinéma, on a une dictature qui est celle du film. On a un temps donné et le rythme est très très très important. Oui, c'est un time. C'est vraiment du temps. On est obligé de coller les trucs. Et si on n'a pas le bon temps, on passe à côté. Et enfin, c'est surtout que le spectateur passe à côté. Une seconde de trop, c'est chiant. Et une seconde de moins, on passe peut-être à côté de l'émotion. Donc, c'est toujours trouver le temps du film, le temps du morceau. Et quand je dis musique, c'est pas, en plus je mets pas des kilos de musique sur les films qu'on fait, parce que j'associe en fait tous les gens avec qui je travaille. Je suis pas quelqu'un qui veut musiquer les morceaux, j'en mets un peu, mais je veux dire, je veux pas que ça devienne justement quelque chose qui va tirer trop le spectateur par la main en lui disant regardez les choses. Je m'étais déjà battu sur le premier où il y avait une scène d'émotion où Daniel Prévost pleurait sa femme décédée et une scène qui était extrêmement dure à jouer pour lui pour des raisons personnelles, et c'est vrai qu'on était face à quelque chose de très très émouvant, et un des deux producteurs m'a dit mets des violons, et je lui dis non, je ne mettrai pas des violons, je n'ai pas envie d'accompagner par la main le spectateur. S'il y a émotion, elle sera donnée par ce qu'il y a à l'image, mais ne faisons pas du cinéma aux chausse-pieds en disant pleurer, riez. N'appuyons pas les choses, laissons les choses couler comme ça. Et Pascal Rabaté, vous êtes passé justement au cinéma de manière plus officielle, parce que, comme on disait, la vidéo a toujours été présente quand même dans votre parcours, mais un peu en même temps, dans le fond, dans les mêmes années que Sfar, que Marjane Satrapi, Riyad Satouf. L'impression qu'il y a beaucoup justement d'auteurs BD qui ont décidé de passer à un autre médium, d'expérimenter avec d'autres médiums, avec une envie peut-être, est-ce qu'on se lance un peu là-dedans avec une envie justement de mélanger les choses un peu sans complexe et sans nécessairement non plus avoir le souci d'hiérarchiser les médiums, mais plus de voir de quelle manière notre parole peut s'adapter d'un médium à l'autre, un peu comme vous disiez. C'était, je pense que on est tous arrivés à peu près en même temps au cinéma. Il y a eu d'autres auteurs bien avant. Il y a Lozier qui a fait sa carrière au cinéma, mais qui a du coup raccroché un peu ses crayons pour la caméra. Il y a des gens comme Martin Véron avait fait un film, Tronchet en a fait un. Enfin, il y a eu Lecomte, vient de la BD, il y a très très longtemps, même si de temps en temps il l'oublie en disant que les auteurs de BD devraient rester dans leur niche et pas faire de cinéma. Il y a eu quelques auteurs qui sont passés au cinéma. Régis Franc a travaillé plus en écriture qu'en réalisation, mais il y a eu en effet des non pas une série de chaises musicales, mais il y a des gens qui ont été un peu visiter les gens pour soit revenir, soit l'abandonner totalement. Je pense que pour les quatre cités, je connais par ailleurs pratiquement pas, parce que j'ai dû croiser Johan quelques fois. Vous avez chacun votre démarche, votre approche. Oui, puis moi j'étais longtemps provincial, donc après c'est les salons, on se rencontre sur les salons, mais après c'est comme ça. Par contre, je pense qu'on avait tous les quatre des points communs, c'est qu'on voyait pas le cinéma comme une finalité, on voyait ça comme une expérience, comme quelque chose qui était intéressant à vivre, un autre support. On y est tous arrivés plus ou moins sans complexe, en se disant que bon bah si on se ramasse, on se ramasse, si ça marche, ça marche. Il s'avère que c'est vrai que les premiers films de Satrapi comme de Riyad Satouf comme de Johan ou même le mien ont trouvé un public, ont réussi à s'exporter, donc c'était plutôt joyeux. Bon, le deuxième, moi, ça a été un peu moins bon, puis le troisième encore moins. Et je crois que pour Satouf, ça a été un peu la même chose. Ça a été la même chose pour Marjan Satrapi. Pour Johan Sfar, il a fait de l'animation, donc c'est encore un autre truc, mais je crois qu'il sort bientôt un film. Mais je pense qu'on est arrivé sans complexe, non pas sans peur, parce que ça voudrait dire qu'on est inconscient de l'enjeu du cinéma, des sommes engrangées, mais on est arrivé en se disant bon bah on nous file les clés d'une voiture, on va rouler avec, on va essayer de pas la casser. Puis en même temps, tout ça dans des dynamiques de travail qui doivent être assez distinctes, dans la mesure où au cinéma, on l'évoquait à quelques occasions, on est avec une équipe de travail avec plusieurs sensibilités, plusieurs visions, oui. Versus un album qu'on réalise en duo ou à quatre mains, comme vous faites avec Vive les marées présentement, versus des albums solo où vous êtes tout seul avec vous-même, puis pas de compte à rendre non plus, pas de... Non. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours bossé... Enfin, j'ai pas toujours bossé en collaboration, c'est vraiment les rencontres. Je rêve pas de bosser avec un très très grand scénariste ou un. C'est tout d'un coup quelqu'un que je vais croiser sur un salon, quelqu'un dont je vais tout d'un coup. Enfin, c'était le cas pour Prud'homme notamment, où on s'est croisé il y a 17 ans. Il travaillait chez Glénat dans une série historique. Je connaissais pratiquement pas son travail et c'est vrai que je suis tombé sur un dessin que je trouvais extrêmement vivant. Il a 10 ans de moins que moi, un tout petit peu moins, quoi, 9 ans. Mais je trouvais qu'il y avait une espèce de vivacité, qu'il y avait un potentiel énorme. Il était déjà extrêmement bon. Et après, il s'avère que on avait un peu le même terreau familial. On était nés dans la même clinique. On était du côté de Tours. Et on avait des intérêts communs sur les petites gens, sur le peuple, sur l'individu, sur le grain de sable plutôt que sur la machine, enfin une vision un petit peu similaire des choses. Et on a collaboré sur deux petits livres, d'abord, qui étaient Les Petits Paul, où j'étais scénariste. Après, j'ai écrit le scénario de La Marie en plastique, qui était à l'origine un scénario pour le cinéma. Ça ne s'est pas fait. Et je lui ai donné, je lui ai dit, écoute, tu le lis, tu me dis ce que t'en penses. Et là, il m'a dit, je prends. Et donc, je lui ai laissé les clés en fait de la boutique en lui disant tu as le texte. Je en tant que dessinateur moi-même, pour prendre des images qui valent ce qu'elles valent, le réalisateur d'une BD, c'est le dessinateur. C'est lui qui va choisir les cadres, c'est lui qui va choisir la façon dont il va se poser et donc je m'efface derrière ta vision des choses parce que je sais que tu vas pas la tirer vers le cynisme ou vers un discours qui me semblerait douteux, quoi. Donc je te laisse totalement les clés. C'est ce que j'ai fait à chaque fois, que ce soit avec Virginie Broquet pour Les Yeux dans le Bouillon, avec Biberlu pour comment il s'appelait, Biscotte dans le Vent, c'est le dernier intégral, ou avec le dernier qui s'appelait avec Sébastien Gnadi qui s'appelait L'Inchal. Voilà. Et donc c'est vrai que j'oublie une autre collaboration qui s'appelle Crève Saucisse avec Simon Hureau, où à chaque fois je me suis adapté un peu à leur travail, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui voulaient des storyboards, je le faisais, et des gens qui préféraient travailler sur une suite dialoguée et qui mettaient en fait tout leur fantasme ou toute leur vision des choses. Mais avec Prud'homme, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une confiance ou un désir de pousser plus loin la démarche, parce que pour justement Vive la marée, c'est pas scénariste-dessinateur, c'est dessiner ensemble finalement. Ah là, c'était dessiner ensemble, et en fait on a... Ce bouquin vient juste d'être achevé, mais vraiment achevé. Le dernier, c'était encore hier, on est en train de corriger les fautes. Mais ça a été une association assez unique, enfin, de mon expérience personnelle. C'est qu'en effet, on était tous les deux à l'écriture, on était au repérage, Donc on a vraiment élaboré le livre ensemble. On a fait les repérages ensemble. On pensait faire un livre sur les jardins ouvriers. On a fini par faire un livre, une journée à la mer. Et puis on a fait un découpage. Et puis à chaque étape, en fait, on cassait nos jouets et on les remontait comme un Lego. On s'échangeait les personnages, j'imagine aussi. On n'arrêtait pas de s'échanger. Alors c'était sur le découpage, sur les dialogues, où en effet il y avait. On n'essayait pas de marcher sur le territoire de l'autre, on essayait simplement d'aller ensemble dans un endroit en se laissant guider tantôt par l'un, tantôt par l'autre. On a des dessins qui sont pas si proches, mais qui sont pas si éloignés. Et à un moment, on savait pas comment on allait le faire. C'est-à-dire, on s'était dit, ben moi je ferai 5 pages, t'en feras 5. Et puis après, on mélangeait un peu les cordeaux. Quand on était encore en découpage, je lui disais, je ferai les crayonnés de 5 pages, tu feras le crayonné des 5 autres, puis moi j'encrerai tes pages et toi t'en encreras les miennes. Donc on était un peu parti sur ça. Et à un moment, David m'a dit non. Faut mélanger notre boulot. Il faut avoir un style commun, dans le fond, de ne pas dire, OK, là, c'est Rabaté qui a dessiné ça, c'est Prud'homme qui a dessiné tel truc, mais de pas le savoir, finalement, de réussir à s'effacer derrière un style commun. Ouais, ben, je pense qu'à un moment, les dessins, la personnalité de l'un et de l'autre ressort un peu plus pour une raison X ou Y, et puis, il y a de temps en temps, en effet, les trucs se fondent. À la fois par malice, parce qu'on a envie de jouer aussi à mélanger les cartes, mais on se disait qu'en mélangeant deux dessins différents, on allait donner un petit côté un peu rugueux au récit, en se disant que justement c'était pas une vision à deux yeux, c'était vraiment quelque chose à quatre, et on se passait un peu un jalon là-dessus. La couleur, faut le reconnaître, a été beaucoup plus gérée par David. Il connaissait mieux Photoshop, et en même temps, c'est un coloriste, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de plaisir à ça. Moi, je m'essouffle. Donc, en l'occurrence, il proposait, je revenais sur, il posait un peu les bases. Il posait les bases, là, je lui donnais un peu mon sentiment, et puis après, on mélangeait un peu la sauce à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est lui qui gérait un peu l'ensemble de la boutique sur la dernière phase. Et il faut dire, j'ai l'impression, dans votre approche de dessin, toujours cette ouverture-là parce qu'on parle beaucoup, dans le fond, d'ouverture, d'exploration, ce soit justement au niveau stylistique, au niveau de la mécanique, comme dans le projet avec Prud'homme, sur cinéma et le reste. Et vous avez un trait qui est pas non plus, qui est pas le gros trait ferme, clair. On y va plutôt avec un trait qui est plus léger, qui est plus aérien, défaut d'un meilleur terme, là, si on peut dire, qui laisse une place à l'ouverture, j'ai l'impression, peut-être un peu. Il y a un côté fragile, en fait. Matotti avait écrit un bouquin qui s'appelait Ligne fragile, et on est un petit peu tous les deux là-dessus, c'est-à-dire que David est d'une instabilité graphique assez folle, moi c'est pareil. Après, on est c'est une vraie volonté de ne pas se répéter, ou tout au moins d'enrichir un peu notre propos, ou d'aller voir sur d'autres territoires. Donc je sais que on a fini le bouquin, mais on se Skype encore, parce que l'expérience est très très récente au niveau du fini. Et l'un comme l'autre, on s'est enrichi. J'ai l'impression que moi j'ai appris beaucoup avec lui. Il a une précision assez terrible, mais une précision de myope presque. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vraiment prendre le petit détail. J'ai une vision qui, de temps en temps, un peu plus, enfin, je pense peut-être plus globale, où je vais prendre une scène et ça se retrouvait en fait sur nos carnets de croquis. Et moi je prends en large et après je me rapproche, lui prend en serré et s'éloigne après. Donc du coup, ça nous fait qu'on se retrouve un peu sur un terrain, mais on comparait nos carnets de croquis quand on faisait le truc. Alors moi j'étais jaloux de ces trucs, et puis lui il me disait, il était jaloux des miens, parce que moi je prenais les situations et lui prenait l'individu dans la situation. Mais il le prenait de façon assez terrifiante, parce qu'il y avait à la fois les défauts, mais il y avait de la... C'est quelqu'un qui peint l'os et qui peint la chair. Et de temps en temps, en tant que dessinateur, on finit... c'est la grosse méfiance que j'ai, moi, sur le dessin. C'est que quand on commence à se répéter, quand on commence à s'autoplagier, on finit plus par faire que des arbres sans sève et sans bois. Il n'y a plus que des écorces. Et lui, il y a toujours cette structure-là. Et tout ça dans un contexte aussi où on parle de projet en duo, en équipe ou en solo, il y a toujours aussi le lecteur, finalement, le destinataire de tout ça. Et ça me rappelle, en fait, en terminant, peut-être une entrevue où vous aviez dit justement qu'un livre ou un film, pour vous, c'était un dialogue d'abord et avant tout, et qu'à travers ce dialogue-là, ben, l'idée, c'était plus de présenter plutôt que d'imposer une façon de voir les choses, de présenter un reflet des choses telles que... Oui, je me méfie de toutes les dictatures, que ça soit au cinéma, il y a une dictature, c'est la dictature des sentiments, où en effet, il faut qu'on prenne le personnage en otage par le montage ou par le jeu pour tirer l'alarme. Mais je me méfie de tout ça, c'est-à-dire les gens qui prêchent ne m'intéressent pas. Je fais pas du messianisme. J'essaie de poser au mieux les questions qui me taraudent. On en a tous. Je me suis aperçu il n'y a pas si longtemps que ça qu'en effet j'avais à courir dans tous les sens et à essayer d'attraper tous les lapins d'un terrier à l'autre. Je poursuivais toujours quand même, j'avais un thème récurrent qui était celui de la survie et les petits ruisseaux, cette espèce de petit vieux qui ne sait pas si la vie vaut le coup d'être vécue ou tout au moins si ça vaut le coup de continuer. C'est exactement la même question. C'est une question qui est posée de façon beaucoup plus, positive et beaucoup plus guillerette, fleur bleue, si on peut dire, puisque ça parle aussi des amours du troisième âge, des amours des seniors, pour parler en politiquement correct, des amours des vieux, pour parler en politiquement correct. Mais c'était la même thématique que pour Ibicus, c'est-à-dire c'est un homme qui tombe et qui... Pourquoi vivre? Pourquoi poursuivre? Pourquoi poursuivre? Pourquoi s'arrêter? Houston, dans le cinéma, a fait 50 ou 70 films, je ne sais plus, je ne les ai pas tous vus, mais il a raconté la même histoire, un coup en western, un coup en thriller, un coup en policier, un coup en film d'aventure, parce qu'il avait fait Moby Dick, et finalement... à l'automne ou presque à la fin de sa vie, il a raconté la même histoire, l'histoire de gens qui, dans The Misfits, c'est un drame, mais c'est des gens qui, pour vivre sa passion jusqu'au bout, il faut pas s'arrêter, c'est le faucon maltais. C'est des gens que, quand la sculpture est morte, on apprend qu'il y en a peut-être une autre. Et il y a ceux qui s'arrêtent et qui décident de vivre, puis il y a ceux qui continuent, comme le capitaine Ahab, qui finit par mourir accroché à son rêve. Son obsession, dans le fond, c'est quand le rêve devient une obsession. Finalement. Voilà. C'était le discours, ça a été tout le discours, le même, décliné dans tous les genres, dans le cinéma de Houston, ce qui est le Légende de Dublin, c'était le même discours. Sauf qu'au moment de mourir, tout d'un coup, il se rend compte que... et c'est terrifiant parce que le voir en parallèle, on s'aperçoit que le truc est fou, c'est que toute sa vie il a dit que les gens qui survivaient c'est les gens qui réussissaient à s'arrêter à temps, et là il fait un film sur la seule personne qui va rester en mémoire de cette femme, ça va être le gamin qui est mort à 16 ans. Et il y a un truc qui... Enfin, je trouve ce parcours assez fascinant. Et c'est vrai que j'ai ce thème récurrent. J'en ai d'autres, en effet, qui sont un petit peu parallèles, mais qui sont quand même, mine de rien, vivre malgré tout. Vivre la marée, c'est vivre malgré la crise. Mmh. Le vacancier, on a plein de petites infos tout au long du récit où... sur la une d'un journal, il y a Dramatros, une petite fille a disparu, et le gars regarde ça, il fait quelle horreur, il fait 20 degrés demain. Enfin voilà, c'est cette fuite aussi du personnage qui veut profiter du moment présent, et pour ça, faut oublier la crise qui est partout. Pascal Rabaté, merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. Merci à vous. Alors voilà qui conclut cette édition de La Vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro. Je vous souhaite une excellente soirée sur les ondes du 89.1 CKRL.